Chapitre 292. L'interdiction aux hommes d'imiter les femmes et aux femmes d'imiter les hommes dans leur habillement, leur manière, etc. 1630. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit les hommes se comportant comme des femmes et les femmes qui se comportent comme des hommes. Dans une autre version, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Al-Bukhari. 1632. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit les hommes qui portent des vêtements de femmes et les femmes qui portent des vêtements d'hommes. Abu Daoud, à travers une chaîne authentique. 1633. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a deux catégories de gens destinés à l'enfer qui ne sont pas encore apparus. Des hommes tenant des fouets comme des queues de vache pour en frapper les gens, et des femmes habillées, mais comme si elles étaient nues et séductrices. Elles se déhancheront et leurs têtes ressembleront aux bosses des chameaux. Elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur qui, pourtant, est perceptible de telle distance. » Muslim. 1634.